voix électronique sur la musique de Don de la Rose. QSM débarque, nique et impose sa prose. QSM ose tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Laisse ça le mois d'août, à porter des bonnets. Pugnace les machins, têtus, prêts à rien lâcher. Persuadé qu'en mettant des bonnets, le soleil va se cacher. Persuadé qu'en tournant sur elle-même, la terre essaie de les expulser. C'est pourtant évident qu'ils ne vont pas s'arrêter. C'est qu'on ne les aime pas les QSM, et c'est là tout le rare. QSM fait son œuvre, une immense bagarre. Un fight stérile, inutile et inefficace. Car QSM choisit ses proies à pile et face. Tiens, paf, prends ça dans ta face. QSM déglingue à pile et face. Viens, paf, QSM tabasse. Un grand coup de riff dégueulasse. Viens, paf, attends-toi au pire. QSM fait de toi un martyr. Viens, paf, tire à pile et face. Pile on tape et face. On tabasse. L'anaconda, une création ou un gourou? QSM gourou, c'est tabasse comme un loup. Un loup sans sa meute qui ne dévore aucune victime. Rassasié par la vue du sang, un corps fluide intime. QSM n'invite personne dans sa terrible véranda. Car le point fixe de la Terre se situe à cet endroit. La planète peut tourner sur sa petite orbite. La vraie révolution, c'est QSM qui l'habite. Les savants, les chercheurs, les scientifiques pensent que l'univers ne possède pas de centre. Qu'ils viennent faire un tour dans notre bonne armorique. QSM les tabasse à coups de savate dans le ventre. Tiens, paf, prends ça dans ta face. QSM déglingue à pile et face. Viens, paf, QSM tabasse. Un grand coup de riff dégueulasse. Viens, paf, attends-toi au pire. QSM fait de toi un martyr. Viens, paf, tire à pile et face. Pile on tape et face, on tabasse. QSM a sa propre définition de l'amour. Niquer à tout va, ils sont même plutôt pour. Ce qui les dégoûte, c'est la mièvre connivence. Au sexe par devant, ils préfèrent l'abstinence. C'est qu'on ne les aime pas les QSM, c'est là tout leur art. QSM fait de son œuvre une immense bagarre. Un fight stérile, inutile et inefficace. Car QSM choisit ses proies à pile et face. Ça dans ta face. QSM déglingue à pile et face. Viens, paf, QSM tabasse. Un grand coup de riff dégueulasse.